Chapitre 2. L'agile infirme. Cependant, on était accouru au cri de la Rochardie, au hurlement que poussait maintenant l'homme ébouillanté dans la baignoire. On eut du mal à arracher le malheureux des mains de la Rochardie, qui voulait absolument le réduire à l'état de homard. Ce ne fut pas une petite affaire que de tirer cet événement au clair, et l'on put se croire là, dans le Cyril Hôtel, comme sur une plateforme de la tour de Babel. La Rochardie, Simonet accouru, parlait français, d'autres parlaient anglais. L'homme ébouillanté, lui, parlait allemand. Comment s'entendre? La mimique, la voix tonitruante de la Rochardie, effarait tout le monde. Enfin, l'interprète arriva, on s'entendit à peu près. L'allemand échaudé perdit connaissance, on l'emporta, et on alla le coucher dans sa chambre pendant qu'on téléphonait au médecin. Quant à la Rochardie, on le pria de s'habiller et d'attendre la venue des hommes de la justice devant qui il devait s'expliquer. Il le fit, quelques instants après, de fort bonne grâce, mettant une sourdine à sa voix. On finit par savoir la vérité dans cette aventure. Il ne s'agissait que d'une malheureuse erreur. L'homme était entré par méprise dans la chambre du capitaine. C'était un Allemand infirme venu à Londres pour consulter un médecin oculiste qu'on lui avait... recommandé. Sa vue faible causa son erreur. Il se trompa de porte et se dirigea à tâtons, tout inquiet de ne pas reconnaître son appartement quand le capitaine tomba sur lui. Son émoi pouvait maintenant se comprendre et son affolement, son désir de fuite, apparaissait on ne peut plus légitime. Mais le capitaine, cependant, malgré les affirmations, les attestations des gens qui connaissaient l'infirme, se sentait une âme de saint Thomas. Il ne voulait pas croire à cette cécité. « Croyez-vous, dit-il enfin, que cet homme soit si aveugle que cela, qu'il ait une si mauvaise vue ? » On voulut le lui prouver. « Eh bien, déclara la Rochardie en fin de compte, pour un aveugle, il a le sens de la vue joliment développé. » Puis, se retirant, il attira par l'interprète. « Vous feriez bien, lui dit-il, de dire à l'administration de Cyril Hôtel de ne pas quitter de l'œil ce pauvre aveugle. » L'interprète s'inclina en souriant, déclarant qu'il ferait part de la recommandation à qui de droit. Mais le malheureux aveugle n'offrait aucun sujet de crainte. Dans son lit, ébouillanté, enveloppé de bandelettes, oint de baume, derni d'onguents, il souffrait atrocement, et des coups que lui avait portés le capitaine et de son bain dans l'eau bouillante. Il était extrêmement malade et semblait ne pas devoir quitter la chambre avant de longs mois. « Tout ça, dit la Rochardie à Simonet qui lui faisait des reproches, c'est très regrettable, en effet. Ça doit produire une fâcheuse impression, mais je ne m'en soucie que très peu. Et je te déclare que je ne me sens aucun remords d'avoir ébouillanté cet Allemand. Malgré tout, je reste sceptique et suis persuadé que cet aveugle y voit aussi bien que moi. Je m'en suis rendu compte quand je luttais avec lui. Je suis sûr que cet Allemand aveugle voulait voir ce que contenaient mes poches. » La Rochardie avait bien pressenti la vérité, car l'Allemand aveugle, ébouillanté, qui était en si piteux état, dans des bandes de pansements, dans des liniments calmants, l'aveugle disparut comme par enchantement du Cyril Hôtel. On trouva sa chambre vide, personne cependant ne l'avait vu sortir, et personne ne le revit. Ce fut pour la Rochardie l'occasion de pousser un nouveau cri de triomphe. On se doute de l'ampleur du cri. La voix des sirènes des bateaux qui remontaient la Tamise fit à côté de ce cri l'effet d'un sifflet d'un pénis.